Termine cette première heure, enfin non, cette première demi-heure plutôt, avec un morceau de Luciano, juste avant le mix de Ricardo Villalobos, un mix exclusif de Ricardo Villalobos, qui sera aussi avec Luciano pour terminer ce Caprice Festival le samedi 18. Et si jamais, on se retrouve après les news pour la deuxième heure des métissages. Thank you.

Lausanne, minuit, Prague aussi.